Un panneau d'entrée d'agglomération signifie que la vitesse est limitée à 50 km/h et que l'usage du klaxon est interdit sauf cas d'urgence. Mais il ne veut pas dire qu'on est obligé de passer en feu de croisement. Il n'y a aucun éclairage public dans cette ville. Je dois donc utiliser les feux qui me permettent de voir le mieux possible, c'est-à-dire les feux de route. J'y suis, j'y reste. Réponse B.